Chapitre 7e. Encore un sacrifice. Laetitia Arundel tint parole et vint souvent à Kemberling Retreat, quelquefois à cheval, quelquefois dans une petite voiture à un cheval. Tantôt elle était accompagnée de Belinda, et tantôt elle amenait avec elle une sœur cadette de Belinda, dont les cheveux étaient aussi bruns et les yeux aussi bleus que ceux de Belinda elle-même, mais qui en était à cette période de la vie où l'école et les tartines de pain et de beurre jouent un grand rôle et qui n'inspirait aucun intérêt particulier. Le major Lawford vint un jour avec sa fille et Laetitia, et Edward et l'officier en demi-solde se promenèrent ensemble sur la pelouse, fumant et causant de la guerre indienne, tandis que les deux jeunes filles erraient dans le jardin au milieu des roses et des papillons, et embarrassaient les pans de leurs amazones parmi les ronces et les groseilliers. Il ne fut pas étrange, après cette visite, qu'Edward Arundel consentit à se décider, sur l'invitation du major Lawford, a fixé le jour où il voudrait venir à la grange. Il n'aurait pu refuser avec bonne grâce. Et pourtant, cela lui semblait presque une trahison envers sa femme perdue, sa pauvre et pensive Marie, dont la figure était constamment présente à son esprit, avec l'expression qu'elle avait eue le jour de leur séparation, de fréquenter des gens heureux qui n'avaient jamais connu le malheur. Mais il fut cependant à la grange. Il devint de plus en plus l'ami du major, et il se promena dans les jardins, qui étaient très grands, disposés à l'ancienne mode, mais parfaitement tenus, avec sa sœur et Belinda Lawford, qui savait son histoire et le plaignait. Il se souvenait toujours de cela en regardant la fraîche figure de la jeune fille, dont la mobilité d'expression attestait perpétuellement une nature compatissante et sympathique. « Si ma pauvre femme avait eu cette jeune fille pour amie, se disait-il parfois, comme elle aurait pu être plus heureuse. » J'ose dire qu'il y a eu en ce monde bien des femmes plus jolies que Belinda Lawford, bien des femmes dont la figure, au point de vue artistique, se rapprochait davantage de la perfection, bien des nez plus délicieusement moulés, et des vingtaines de bouches ressemblant mieux à l'arc de Cupidon. Mais je doute fort qu'aucune figure ait été plus agréable à l'œil que celle de cette fraîche jeune fille anglaise. Elle avait une beauté qui manque parfois aux figures parfaites, et sans laquelle la physionomie la plus ravissante finira par ne plus produire aucun effet sur des yeux fatigués d'admirer. Elle avait un charme sans lequel les profils du classique le plus sévère, les figures qui semblent sorties du ciseau de la statuaire, paraissent plus froids et plus durs que le marbre auquel leur plus grand mérite est de ressembler. Elle avait la beauté de la bonté, et l'admirer, c'était rendre hommage aux plus purs et aux plus brillants attributs de la femme. Elle n'avait pas seulement un joli petit nez droit et bien fait, des lèvres roses et rouges, des yeux plus bleus que le ciel d'été, et une chevelure ayant la teinte des rayons dorés du soleil couchant. Outre une beauté commune comme celle-là, elle portait sur son front blanc et large l'empreinte de la tendresse, de la sincérité, de la foi, de l'espérance et de la charité qui la couronnait reine par le droit divin de sa perfection féminine. Elle était une fille aimante et dévouée, une sœur affectueuse, une amie sincère et fidèle, une bienfaitrice constante pour les pauvres, une douce maîtresse et une chrétienne bien élevée. Dans tous les devoirs à remplir, dans chaque position où elle se trouvait, elle confirmait l'impression que sa beauté avait faite sur l'esprit de ceux qui la regardaient. Elle avait seulement 19 ans, et jamais aucune douleur n'avait altéré sa belle nature. Elle était heureuse avec un père qui était fier d'elle, et avec une mère qui lui ressemblait presque sous tous les rapports. Elle menait une vie heureuse, mais occupée, et elle remplissait ses devoirs envers les pauvres presque aussi scrupuleusement qu'Olivia les avait remplis jadis au presbytère de Swampington. Mais sa bienfaisance était si naturelle et si gaie qu'elle lui valait non pas de froids remerciements, mais l'amour cordial et le dévouement de tous ceux qu'elle obligeait. Sur les ténèbres égyptiennes de la vie d'Edward Arundel, cette jeune fille se leva comme une étoile, et plus tard, l'horizon s'éclaira sous son influence. Le soldat avait très peu vécu dans la société des femmes. Sa mère, sa sœur Laetitia, sa cousine Olivia et la douce fille de John Marchmont étaient des seules femmes avec lesquelles il se fût jamais trouvé dans les rapports familiers. Et en présence de cette belle et noble jeune fille, il ne croyait pas que la paix de son esprit courût le moindre danger. Il laissa le bonheur lui sourire à Lawford Grange, et dans les heures paisibles qu'il y passa, il oublia son ancien genre de vie et le sombre projet qui seul l'avait retenu prisonnier en Angleterre. Mais quand il rentra dans sa demeure solitaire, il se reproche amèrement ce qu'il considérait comme une trahison faite à l'amour. « Quel est mon droit d'être heureux parmi ces gens-là » se dit-il. « Quel est mon droit de prendre la vie si facilement même pour une heure ?» Tandis que ma chère femme gît dans sa tombe non consacrée et que l'homme qui l'a poussée à la mort demeure impuni. Je ne retournerai plus à Lawford Grange. Cependant tout le monde, à l'exception de Belinda, eut l'air de conjurer contre ce soldat oisif, car parfois, Laetitia le cajolait pour se faire accompagner par lui, après une de ses visites à Cumberland Retreat, et très souvent le major lui-même insistait avec les façons cordiales d'un militaire pour que le jeune homme occupât le siège vide dans son char à banc et revînt avec lui à la grange. Edward Arundel n'avait jamais prononcé le nom de Mary devant aucun des membres de cette hospitalière et aimable famille. Tout le monde était très bon pour lui et prêt à sympathiser avec sa douleur, mais il ne pouvait se résoudre à parler de sa femme. La pensée de l'acte de folie et de désespoir qui avait terminé sa courte existence était trop cruelle pour lui. Il ne voulait pas parler d'elle, parce qu'il aurait eu à chercher des excuses à cet acte coupable, et l'image de sa femme était pour lui tellement pure et sans tache qu'il ne pouvait supporter d'avoir à intercéder pour elle comme pour une pécheresse ayant besoin de la pitié des hommes plutôt que droit à leur respect. « Sa vie avait été si exemplaire, s'écriait-il parfois, et dire qu'elle a fini par une faute. Quand bien même je pourrais pardonner tout le reste à Paul Marchmont, quand bien même je pourrais lui pardonner de me l'avoir ravi, jamais je ne saurais lui pardonner cela. » Le jeune veuf gardait donc le silence sur le sujet qui occupait une si large place dans ses pensées et qui était nuit et jour le thème de ses plus ferventes prières. Et le nom de Mary n'était jamais prononcé en sa présence à Lawford Grange. Mais en l'absence d'Edward Arundel, les deux jeunes filles s'entretenaient quelquefois de sa triste histoire. « Croyez-vous réellement, Laetitia, que la femme de votre frère se soit suicidée ?» demanda Belinda à son amie. « Oh, quant à cela, il n'y a pas le moindre doute, ma chère, » répondait Miss Arundel, qui était d'une humeur gaie, pour ne pas dire frivole, et qui n'avait pas grand respect pour les choses solennelles. La pauvre chère créature s'est jetée à l'eau. Je crois qu'elle devait avoir la tête un peu dérangée. « Je ne le dis pas à Edward, vous savez. Je le lui ai dit une fois à Dangerfield et il s'est mis dans une terrible colère et m'a appelé sans cœur, cruel et toutes sortes de vilains noms. Aussi, je ne lui en ai plus reparlé depuis. Mais réellement, la manière d'agir de la pauvre chère enfant était excentrique. D'abord, elle s'enfuit de la maison où était sa belle-mère et fut se cacher dans un horrible logement. Puis elle épousa Edward dans une vilaine église de Lambeth sans même avoir une toilette de mariée, ni des témoins, des gâteaux, des billets de part et rien de ce qui se fait ordinairement. Après cela, elle s'enfuit de nouveau, et comme son père avait été un compas. Comment nommez-vous cela, un homme qui porte des bannières dans les pantomimes ou fait quelque chose d'approchant? Je pense qu'elle avait vu M. Macready dans Hamlet et avait en tête la mort d'Ophélia quand elle courut à la rivière et se noya. Je vous assure que c'est une bien triste histoire, et j'en suis désolé pour Edward. La jeune fille n'en dit pas plus long, mais Belinda songea à l'histoire de ce mariage, à la lune de miel sans témoin, à la séparation soudaine. Comme ils avaient dû s'aimer tendrement, ces deux jeunes époux, s'absorber dans leur bonheur en oubliant le reste du monde. Elle se représenta la figure d'Edward Arundel, telle qu'elle avait dû être avant que le chagrin et la douleur lui eussent ravi le plus bel attribut de sa beauté. Elle pensa à lui, le plaignit avec tant de sympathie, que par la suite la pensée du chagrin de ce jeune homme chassa toute autre idée de son esprit. Elle continua à remplir ses devoirs avec gaieté et gentillesse, ainsi que le voulait sa nature. Mais l'entrain avec lequel elle s'était acquittée de chacune de ses fonctions charitables et de chaque acte de douce bienveillance sembla lui manquer maintenant. Qu'on se souvienne qu'elle n'était qu'une simple jeune fille de province menant une vie calme, dont le cours paisible était presque aussi monotone que la vie du cloître, une vie si paisible qu'un roman décemment écrit du cabinet de lecture de Swampington était attendu avec impatience, lu avec animation et commenté ensuite pendant des mois. Était-il donc étrange que ce roman de la vie réelle, cette douce histoire d'amour et de dévouement avec sa triste fin, cette histoire qui s'était déroulée à quelques milles de chez elle et dont le héros était constamment le convive de son père, était-il étrange que cette histoire, que le charme le plus navrant était sa réalité, fit une vive impression sur l'esprit d'une femme innocente et point mondaine, et que jour par jour, heure par heure, sans qu'elle en ait conscience elle-même, elle s'intéressait fortement au héros de l'aventure. elle s'intéressait à lui. Hélas, la vérité doit être avouée, quand bien même on n'est pour la dire que des expressions communes. Elle devint amoureuse de lui. Mais l'amour, dans cette innocente et féminine nature, était un sentiment si différent de celui qui dominait Olivia, que la jeune fille elle-même ne le sentit pas croître peu à peu. Ce n'était pas un Adam à sa naissance que cet amour. Il ne sortit pas armé de toutes pièces, comme Minerve du cerveau de Jupiter. Car je crois que l'amour naît du cerveau plus souvent que du cœur, par cela seul qu'il est un étrange mélange d'idéal, de bienveillance et de vénération. Il vint plutôt comme l'horaire d'un jour d'été, qui commence par une faible lueur au loin de l'Orient, très faible et sans beaucoup d'éclat, s'élargit ensuite lentement, et finit par éclairer d'une lueur splendide la vaste étendue des cieux. Et alors Miss Lawford devint plus réservée dans ses rapports avec le frère de son ami. Sa franche et bonne nature fit place à une timidité craintive qui la rendit 10 fois plus attrayante qu'auparavant. Elle était si jeune, et s'était si peu mêlée au monde, qu'elle avait encore à apprendre la comédie de la vie. Elle avait encore à apprendre à sourire quand elle était triste, ou à paraître triste quand elle était contente, selon les exigences de la prudence, à rougir à volonté, ou à devenir pâle, quand il était de bonne politique de faire étalage d'un teint de lys. C'était une créature naturelle, sans art, spontanée, et il lui était tout à fait impossible de cacher ses émotions et de feindre un sentiment qu'elle n'éprouvait pas. Elle devenait d'un rouge vif lorsque Edward Arundel lui parlait tout à coup. Elle se trahissait par une foule de signes, confessant son amour avec presque aussi peu d'art que Mary lorsqu'elle avait révélé son affection un an avant. Mais si Edward s'en aperçut, il ne laissa pas voir qu'il avait fait cette découverte. Sa voix devint peut-être un peu plus douce et plus faible quand il parlait à Belinda, mais le son douloureux de ses paroles n'avait rien de commun avec l'accent d'un amant. Parfois, quand ses yeux se fixaient un instant sur la figure rougissante de la jeune fille, une ombre obscurcissait la sienne et un léger tremblement agitait sa lèvre inférieure. Mais il est impossible de dire ce que pouvait être cette émotion. Belinda n'espérait rien, n'attendait rien. Je répète qu'elle n'avait aucune idée de la nature de ses sentiments et jamais un seul moment elle n'avait pensé à Edward que comme un homme qui mourait fidèle au souvenir de ce triste amour qui avait coupé dans sa fleur sa belle jeunesse pleine d'avenir. Il n'était pour elle que le mari inconsolable de Marie. Elle n'espérait pas que le temps changerait ses sentiments ou lasserait sa constance, et pourtant elle l'aimait. Pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, le jeune homme continua ses visites à la grange, et au commencement de septembre, Laetitia Arundel retourna à Dangerfield. Mais même alors, Edward ne cessa pas de voir le major Lawford, car son enthousiasme pour tout ce qui touchait à la question militaire avait fait de lui le favori du vieil officier. Mais vers la fin de septembre, les visites de M. Arundel se restreignirent tout à coup à 1 ou 2 apparitions par semaine. Il ne dîna plus à la grange. Il renonça complètement à ses promenades du soir dans les jardins avec Mrs. Lawford et ses filles éblouissantes de fraîcheur. Belinda n'avait pas moins de 4 sœurs aux yeux bleus qui lui ressemblaient toutes plus ou moins, au grand étonnement de tout le monde dans la vieille maison de campagne. Edward Arundel repoussa la lumière qui avait éclairé sa vie et rentra dans les ténèbres. Il revint au calme monotone, à l'abattement sans espoir, aux regrets amers de son ancienne existence. « Tant que ma sœur était à la grange, j'avais une excuse pour y aller », se disait-il sévèrement. « Maintenant, je n'en ai plus. » Mais la vie ennuyeuse d'autrefois lui parut, de façon ou d'autre, beaucoup plus difficile à supporter qu'auparavant. Rien ne semblait plus intéresser le jeune homme. Les bulletins même des victoires dans l'Inde étaient sans sel, usés et inutiles. Il trouvait étonnant qu'il eût pu jadis attendre avec tant d'impatience l'arrivée des journaux et dévorer à la hâte quelques syllabes des nouvelles indiennes. Et tous ces vieux sentiments semblaient avoir disparu, ne laissant dans son esprit que le vide, le dégoût de la vie et de toutes les obligations qu'elle impose. Ne laissait-elle rien autre chose, positivement rien ? Non, répondait-il à ces questions muettes de son esprit, non, répétait-il avec entêtement, rien. Ce fut étrange de voir quel vide faisait dans sa vie l'abandon de ses habitudes à la grange. Il lui semblait qu'il s'était retiré tout à coup d'une existence pleine de plaisirs et de délices, dans la sombre solitude de la trappe. Et pourtant, qu'avait-il perdu en somme ? Un paisible dîner à une maison de campagne, et une soirée passée moitié dans le silence d'un vieux jardin aux arbres touffus, moitié dans un charmant salon, au milieu d'un groupe de jeunes filles bien élevées, et n'ayant pour tout agrément que quelques simples ballades anglaises ou de pensives mélodies de Mendelssohn. Cela ne valait pas, à coup sûr, la peine d'être regretté beaucoup. Et pourtant, Edward Arundel éprouva, en sacrifiant ses nouvelles connaissances de la grange au sombre projet de sa vie, presque autant de douleur que s'il eût une seconde fois renoncé à ses épaulettes à cause de Mary.